moi j'imite. Y'a du tout la Constantine. J'suis coincé au sommet et je fais pas le king. Dans le coin ça chine, mais c'est toujours tout pour ma team. Mon album en tôle sa cantine, en promenade en doré de platine. Elle a fait les plaques, elle est derrière moi sur la selle. J'ai pas le cœur à la fête en ce moment, mademoiselle. Je les ai dit, ils m'en veulent, gros, fais-toi la scène. C'est moi l'ovni, j'ai toujours mes bagues et ma chaîne. Je suis à deux doigts de me raser, de me faire la boule à Z. À Z, à Z, à Z, à Z, à Z. Tu es traumatisé quand tu vois une moto dans l'allée. Je viens de réaliser, y'a beaucoup de traîtres en vrai. La gilet à capot, genre, enfin je suis parti toucher. Putain, c'est vraiment la patate, je m'arrête tout de tout.